suis en présence de Gabriel au téléphone, donc de Radio-Radio, parce que ce soir, au 10-12, on a un spectacle. Donc, Gabriel, ce soir, à quoi on s'attend pour le show de Radio-Radio à l'UQTR? Ce soir, à bien digérer. OK. Je pense que moi, ils vont arriver à bien souper. Ça va vraiment faire la digestion, ça va être des étirements, ça va être la sueur, ça va être des émotions multiples. C'est sûr que ça va être une expérience inoubliable, positive ou négative, il reste à voir. Mais c'est sûr que nous autres, on va s'amuser. Là, pour le show, vous êtes en formation combien? Êtes-vous avec un band? Êtes-vous avec DJ? Vous êtes-vous 2, 3, combien? 10? On va être 5. On va être les trois boys de Radio-Radio sont là. Puis on va être aussi là avec un percussionniste qui fait des séquences, puis une trompettiste. Wow, ça va être une grosse formation finalement? C'est mal une formation pour le party. Donc, cet été, vous êtes promené pas mal. Peux-tu nous parler un peu de votre été depuis? Parce que ça fait quand même un bout qu'on vous a pas jasé à Trois-Rivières. Là. Qu'est-ce qui s'est passé de bon pour Radio-Radio? Ça a été beaucoup de shows. Okay. En Acadie, on a été en Belgique, on a été en France, on a été aux îles de la Madeleine. On a fait des levées de soleil aux îles, ainsi que la petite vallée en Gaspésie. Puis on se prépare à partir au Mexique vendredi matin. Juste, on revient à Montréal juste après le show. Puis on part demain matin pour le Mexique pour tourner le clip de Craig Damachas. Au vrai? On s'en va aux Pyramides Mayas. Wow, c'est merveilleux. Donc vous partez vendredi cette semaine? Ouais, 7h du matin. Wow, superbe expérience. Ça va être trippant. Puis votre expérience en Europe, la réponse, les gens, puis tout ça? On en débarque là avec le feu dans le cul, puis on est excité d'être là, puis je pense que l'énergie, c'est l'affaire de l'universel, puis sans entendre un cliché, c'est universel, puis on est là pour le partager, puis il n'y a pas grand monde qui peut s'échapper de la vague. Tu peux résister à ça? Non. Ah, ben c'est excellent. Puis là, tu me dis, prochaine vidéo, Cargué dans ma chaise, justement, je voulais savoir, il n'y a pas eu tant de vidéos, moi j'aimerais ça voir Radio-Radio, me semble, à télé sans arrêt, là, me semble l'image, puis la folie de Radio-Radio, ça fit bien avec le médium vidéo, me semble. Guess what, t'as sorti, ça fait un petit bout, non, on est dû pour la vidéo. C'est ça que je dis, vous étiez dû, là. On est dû. Puis côté, vous avez eu des shows, mais côté production, création de nouvelles pièces, etc. Je sais que j'ai entendu la pièce sur l'album de Millimétrique, qui était assez vraiment bonne, qu'on a joué ici assez fou, de ta collaboration, là. Mais sinon, des tunes de Radio-Radio, qu'est-ce qui s'en vient de nouveau? Y a-tu des pièces en chantier ou quelque chose? Oui, on est en Louisiane au mois de novembre, puis là on arrive juste de la Nouvelle-Écosse pour une autre semaine, parce qu'on a fait deux grosses sessions dans des chalets, au bord des lacs, puis là on a une trentaine de tonnes à débroussailler, puis une trentaine de tonnes. Ouais. Donc c'est cool, vous allez avoir du choix pour choisir les meilleurs. Exact. Pareil comme Clichot et Belmondo, même chose, on a une trentaine de tonnes, puis la pose de son, on prend les meilleurs. Ben je pense que la recette fonctionne, hein? Je sais pas ce qu'est une recette, ça fonctionne. En tout cas, c'est ça. En tout cas, la méthode fonctionne, sinon. Mais en tout cas, je te remercie beaucoup. Puis on vous écoute, on est là ce soir au show. Puis sinon, je te laisse, c'est un petit mot à nous dire. Vas-y. OK, faites vos étirements. Puis du thé blanc, c'est mieux que du thé vert. Puis on se voit ce soir. Yes, merci beaucoup à toi, Gabriel. Puis merci à Radio-Radio de votre présence sur les terrains de l'UQTR. OK, see you soon. Yes, bye.